J'habite à Charly, un petit village au sud de Lyon. Bon, on va parler donc de la piscine qui a été enterrée à votre domicile. Le devis, en tout cas, pas la piscine. On va en parler avec les avocates que j'ai convoquées, avec toute l'équipe qui va maintenant œuvrer pour vous. Il y a Blanche Grandvilliers, notre avocate, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a la Divina, Maître Felloneau, qui est avec nous. Bonjour à tous. Double négociation aujourd'hui, Bernard Sabat, Hervé Pouchol sont là. Bonjour Julien. Et que la fête démarre, nous sommes en direct, c'est le 9h30-11h d'RTL. Frédéric nous a laissé ce petit message sur l'antenne d'RTL hier, écoutez. J'ai fait construire une piscine avec une option balnéo. Mon épouse infirmière ayant des problèmes de jambes lourdes. La pompe est tombée en panne, enlevée et réparée en 2015. Elle est à nouveau HS depuis fin mai 2016. On est en septembre et je n'ai plus de nouvelles. Donc c'est la pompe à balnéo qui ne marche plus et qu'on ne vous répare pas et votre femme s'en sert pour ses soucis de santé. C'est ça Frédéric ? Voilà, tout à fait, oui. C'est une option qu'on avait prise en plus de la construction de la piscine pour justement profiter de cette possibilité de se délasser quand elle revient du boulot. Elle a bien raison. Les infirmières étant souvent de... Bah oui. Et puis si vous pouvez en profiter un petit peu au passage, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous l'avez quand même bien acheté pour vous et un petit peu éventuellement pour votre femme pour qu'elle se délasse pour ses gens. C'est sympa de se faire une balnéo en rentrant comme ça du boulot, je m'en rends pas compte. Oui, quand il fait très chaud, comme en ce moment sur Lyon, il fait quand même, il y a eu des températures de 35 degrés. Ouais. Travailler dans les hôpitaux ou autres, en revenant, c'est vrai que. Non, c'est... mais vous, Frédéric, est-ce que vous avez un cigare? Est-ce que vous avez un verre à la main? Est-ce que. Oui, je suis sur ma petite bouée, bien confortablement installée. Bah, oui. Alors, on revient maintenant, bien sûr, là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Combien avez-vous payé? Et quand, le dernier dialogue que vous avez eu avec ces gens-là, puisqu'ils ne viennent pas et que vous avez payé, vous n'avez pas la prestation. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le dernier dialogue que j'ai eu, c'est avec le commercial de la société. C'est lorsqu'il est venu enlever cette pompe, début juin de cette année. Il l'a emmené et après j'ai uniquement communiqué par mail pour leur demander des nouvelles. J'ai aucun retour rien. De leur part. Du tout. Oui. Frédéric, les tenants et les aboutissants de votre dossier avec Maître Felloneau. Alors écoutez, c'est simple, il y a... Bonjour. Effectivement, c'est simple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on a essayé de réparer en vain. Eh bien, quand on n'arrive pas à réparer, il faut changer. Je crois que c'est assez clair, que ce soit une pompe ou un frigo, c'est toujours le même processus juridique. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est le côté où on ne donne pas de nouvelles. C'est ça qu'on ne comprend pas. On pourrait lui dire, monsieur, on n'a pas la pièce, elle n'arrive pas, etc. On n'a pas de personnel. Au moins, même s'il le fallait lui donner un petit bobard. Mais là, même pas, hein, Blanche. Et puis en plus, c'est vraiment... embêter quelqu'un, le priver de sa piscine, puisque c'est à Lyon, la piscine n'est pas ouverte toute l'année, pour une histoire de quoi qui même pas 1000 euros, c'est-à-dire qui représente quelques pourcents du montant de la piscine. Blanche. Qui a été payé quand même 60 000 euros, Julien. Voilà, je voulais en arriver là. On parle quand même de 60 000 euros, Frédéric, pour le tout. Ah oui, non, mais c'est vrai que et puis j'en ai profité aussi pour faire aménager un petit peu le jardin. Bon, j'avais comme option, comme optique, je veux dire, lorsque la maison serait finie de m'offrir cette piscine. Et c'est vrai que quand on a pu le faire, on l'a fait. Et Frédéric. Voilà, donc on a une belle piscine et qui donne de la valeur à la maison en plus. On va se parler franchement. Vous nous avez fait croire que vous appeliez Frédéric, je ne sais plus comment, mais vous êtes Puff Daddy. Pardon, excusez-moi, j'ai entendu. Vous êtes Puff Daddy, en fait, avec une piscine de 60 000 euros, avec un jacuzzi, etc. Vous êtes sûr que non, vous n'êtes pas un rappeur? Non, du tout. Votre voix m'a dit quelque chose. Bon, alors on y va. On appelle tout de suite le constructeur pour essayer d'avoir. C'est vous, Hervé, qui négociez. Oui. Essayons d'avoir maintenant tout de suite une explication. Côté jardin, Stéphanie Manchot. Oui, bonjour madame. Je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Non. C'est tant mieux. Je vous appelle car j'ai un de vos clients qui est bien embêté. Il s'appelle Frédéric Pingon et il attend désespérément, du matériel et ça ne vient pas. Et il nous dit j'ai plus de nouvelles. Alors on s'est dit on va appeler le professionnel qui va nous expliquer ça. C'est le devis 0300 236 86. Il a traité avec Samuel Dupré. Oui. Voyez de qui il s'agit peut-être. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe dans son cas s'il vous plaît madame? Je vous demande un instant. Je vous en prie, madame. Donc madame va aller chercher l'information auprès de ses collaborateurs. On parlera après un peu des délais que l'on peut supporter quand on attend une pièce jusqu'à quand peut-on attendre? Parce qu'à un moment donné, si le professionnel nous dit qu'il faut attendre un an, ça ne nous intéresse pas. Donc on en achète une autre, mais on veut se la faire rembourser. Ah, mais la loi prévoit des délais, Julien. Si c'est la garantie de conformité, c'est un mois. Et si c'est la garantie des vis cachés, c'est dans un délai raisonnable. Là, ça ne l'est pas. Clairement. Est-ce que vous avez grandi pendant l'été? Ah non, j'aimerais bien, Julien. Parce que la jupe est plus courte que l'année dernière. C'est peut-être l'ourlet qui est. Non, j'étais en train de regarder. C'est peut-être l'ourlet qui est maintenant plus. Voilà. Je me suis posé la question. Que ça à dire. 9h36, mesdames et messieurs. Dans une seconde, nous allons avoir la réponse avec vous. Vous me faites une petite alerte, Hervé Pouchol. Dès que cette personne, c'est ça l'alerte, arrive sur l'antenne avec son patron, on bascule tout et toutes les négociations ont lieu en direct. Rien ne vous est caché. On attaquera derrière un deuxième dossier dans le 9h30-11h. Vous écoutez RTL. Belle journée à tous. D8 devient C8. Du lundi au vendredi, trois rendez-vous en direct. Retrouvez Daphné Burki et toute sa bande dans la nouvelle édition. Camille Combal et son équipe refont l'actu dans Il en pense quoi, Camille? Et ne ratez pas Cyril Hanouna et ses chroniqueurs pour une version XXL de Touche pas à mon poste. Alors rendez-vous sur C8. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL présente Muriel Robin, Michel Larocque, Pierre Palmade. Ils s'aiment depuis 20 ans. C'est pas compliqué, les trois couples, c'est Michel Pierre, Pierre Muriel et Michel Muriel. Je pense qu'il faut dire les noms de famille. Larocque Palmade, Palmade Robin et Robin Larocque. Parce que là, on dit les noms et les prénoms. Et puis l'adresse aussi. Enfin bon, c'est les 20 ans de l'ISM, on y sera tous les trois, deux par deux, point barre. À partir du 6 septembre à l'Olympia et en tournée dans toute la France. Juste qu'on arrête de s'engueuler. Ouais, faut le noter alors. Ok, je note. Avec RTL et France 2. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, Hervé Pouchol, 9h38, est-ce que vous avez un interlocuteur en ligne basculé? Allô madame, de nouveau Julien Courbet en direct sur l'antenne d'RTL. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous parler? Oui, je vais vous passer monsieur Dupré. Ah bah je c'est parfait. Je vous demande un instant. Mais c'est avec plaisir. Merci. Alors madame va me passer monsieur Dupré qui va arriver. On est bien d'accord. Voilà, la dame parle un petit peu, elle m'a fait penser un peu à Thierry Ardisson. Ouais. Ouais, qui fait comme ça souvent dans les interviews. J'ai l'impression que ça va aller vite, que ces gens ont envie d'avancer. Monsieur Dupré, c'est le commercial. Oui, allô? Oui, bonjour. Monsieur Dupré? Lui-même. Julien Courbet à l'appareil, comment bonjour. Allez-vous? Je vais bien, enchanté. Merci beaucoup de nous parler sur l'antenne d'RTL, bien monsieur Dupré. Alors, monsieur Dupré, on ne sait juste rien de grave, mais c'est le principe de l'émission, les ouais. petits bobos de la vie de tous les jours. Voilà, Frédéric Pingon nous dit, j'ai toujours pas mon matériel, le ça remplacement fait... de cette pompe, que se passe-t-il? Eh ben, il se passe, enfin, c'est, oula, il y a de l'écho. Attendez, je me déplace, je vous entends très bien. Je vous en prie. Nous, c'est parce qu'on est à la radio, c'est peut-être pour ça. Avez-vous un haut-parleur? Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Ah oui, s'il faut pas de haut-parleur, en fait. Voilà. J'aurais dû vous le préciser. Non, non, je vous en prie. Donc oui, non, la pompe, c'est simple. Elle a été réparée l'année dernière. Cette année, elle a subi à nouveau un dégât. Et en fait, bah, il y a de l'eau dans la pompe. Donc, la garantie fournisseur, ne fonctionne pas. Donc, c'est en négociation entre mon patron et le fabricant. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que alors, ça traîne. S'il y a de l'eau dans la pompe, on va pas rentrer dans un débat technique, mais c'est la faute à qui, en fait? Est-ce qu'il y en a? Est-ce, soit il a fait une mauvaise utilisation, et dans ces cas-là, c'est son bah, problème, j'ai envie de dire. Il aurait fallu la démonter l'hiver, mais après, voilà, c'est, enfin, commercialement parlant, sous les noms, on peut pas laisser le client comme ça, mais. Mais attendez, il aurait fallu la démonter l'hiver. C'est-à-dire que c'était à lui de la démonter l'hiver. Bah, c'est son matériel. Il a été installé, voilà. Ah non, mais je savais pas, moi. Quand on achète, donc, une piscine avec une pompe, il faut dire au client de démonter la pompe l'hiver. Il y a un hivernage à faire au niveau de la piscine, enfin, du matériel de piscine en règle générale. Voilà, c'est tout. Après, elle a pris l'eau ou l'humidité, en tout cas. Donc, il y a eu de la condensation dans la pompe. Donc, les garanties fournisseurs ne fonctionnent pas dans ce cas-là, tout simplement. Alors, donc, après, nous, au niveau commercial, on essaye juste de négocier avec le fabricant pour, avec mon, enfin, c'est mon patron qui gère ça avec le fabricant. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et effectivement, du coup, c'est bien dommageable, mais monsieur Pingon n'a pas pu profiter de sa pompe pendant. On va lui laisser la parole une seconde. Je crois qu'il voulait parler. Frédéric. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour monsieur Dupré. Bonjour monsieur Pingon. Oui, je suis désolé d'en arriver là, mais je voudrais revenir sur le fait de vous indiquer l'hivernage. Bon, je suis bien d'accord, mais cette pompe, vous savez très bien comment elle est installée dans un local qui est à côté de la piscine, enfin local, dans un trou à côté de la piscine qui est fermé par une plaque métallique, oui. Et sur lequel j'ai mis un caillebotis. Oui. Que ça soit en hiver ou en été, en été, avec les orages qu'on a, cette pompe, elle est de toute manière sujette à recevoir de l'eau. Je comprends pas qu'on dise que c'est parce que éventuellement je l'ai pas sorti l'hiver qu'elle a eu un problème. Bon, écoutez, quelle est aujourd'hui j'ai bien compris, Frédéric. Je vous empêche de c'est pour pas rentrer, on va pas raconter l'histoire de la pompe. Aujourd'hui, je veux juste savoir s'il y a une solution envisageable ou pas. Que dit votre patron en fait, vous, monsieur? Est-ce qu'on peut lui parler à monsieur Renard? Non, il est en rendez-vous. C'est pour ça que c'est moi qui ai pris la communication. Peut-on lui parler un petit peu plus tard? Je suis pas sûr. Ah, peut-on lui parler demain? Je sais pas, moi, enfin, vu le planning qu'on a en ce moment, vous savez, on travaille dans la piscine. Cette année, on est bien avant le juin. Mais. Il y a bien un moment donné où il va pouvoir nous parler quand même. Franchement, je sais pas. Alors. Ah bon? Et est-ce que d'ici 2-3 ans, allez, admettons que je re-signe, je vais aller voir mon patron RTL. Imagine qu'il me re-signe un contrat de 3-4 ans. Est-ce que dans 4 ans, je pourrais lui parler à monsieur Renard? Parce que. C'est quand même fou, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas parler au patron, que c'est impossible. Je veux bien vous. Enfin, vous pouvez essayer, mais. Alors passez-moi le standard, on va essayer de parler à monsieur Renard. Je vais vous repasser quelqu'un. Il n'est pas au bureau, là. J'y suis, moi, au bureau, il n'est pas là. Mais on peut lui envoyer un petit texto. Ah ben, je peux pas vous laisser ces coordonnées comme ça. Moi, ah ben, par contre, pas moi. Moi, vous m'envoyez pas un texto à moi. C'est pas moi qui l'envoie, c'est vous qui envoyez un texto à monsieur Renard. Monsieur Renard, nous parlons de notre société sur l'antenne d'RTL actuellement. Monsieur Courbet souhaiterait vous parler. Voulez-vous prendre la parole? Point d'interrogation. Mais il ne va pas me répondre, il est en rendez-vous, je vous dis. Ah, il vous répondrait pas, d'accord. Ouais, vous savez qu'on est en rendez-vous clientèle, on peut pas se permettre non plus de décrocher au téléphone ou autre. Donc, enfin, je sais pas. Donc, si je non mais c'est moi, je non enfin, mais c'est intéressant de voir comment, parce que vous êtes en train de me dire que monsieur Renard, on peut pas l'avoir donc aujourd'hui, on ne sait pas si on peut l'avoir demain ni les autres jours, et que quand on envoie un texto, on n'est pas sûr qu'il répond. Donc, existe-t-il vraiment? Et oui, il existe vraiment. Et oui, heureusement. Non mais. Par contre, Julien, il oui, Frédéric. Vraiment, oui, Julien, il existe vraiment parce que je l'ai eu une fois par mail. Hein. Et puis là où je voulais insister, c'est qu'effectivement, cette piscine, bon, vous avez insisté sur le prix, mais c'était vraiment le but de c'est un projet de ma vie, ça, d'avoir une maison. Mais bien sûr, c'est toutes vos économies, piscine, Frédéric, voilà. J'ai bien compris. Bon, monsieur, essayons d'avancer positivement. Je suis sûr que monsieur Renard, on doit pouvoir essayer de l'avoir, sinon je reviens vers vous d'ici 11 ans. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce que clairement, à 9h43, vous pouvez dire à Frédéric? Et bien que sa pompe est encore chez le fournisseur et qu'on est en train de regarder justement pour la prise sous garantie. Voilà. Alors, vous attendez de savoir si le fournisseur la prend sous garantie, c'est ça, maître Félonneau? C'est en négociation entre mon patron et le fabricant, parce que le fabricant ne veut pas la prendre puisqu'il y a. Enfin, son problème ne rentre pas dans le cadre de la. Et la négo, elle dure depuis combien de temps, monsieur, avec le fournisseur? C'était avant les vacances, maintenant après, la boîte était fermée, enfin, le fabricant était fermé pendant 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. D'accord. Donc voilà. Et le fournisseur, c'est qui, monsieur, sans indiscrétion? C'est UWE, et puis après, nous, il y a la maison mère aussi, Carré Bleu, qui est entre tout ça, voilà. Alors, la maison mère Carré Bleu, c'est la maison mère du fournisseur ou de vous? Non, nous, on est concessionnaire d'une marque. D'accord, voilà. Ok. Bon, alors, maître Félonneau. Oui, monsieur, moi j'ai une question, puisque vous êtes commercial. Oui. Combien elle coûte, cette pompe? Je sais pas, dans les 1500 euros, à peu près. Ouais, 1500 euros. Vous vous rendez compte quand même que vous indisposez un client pour 1500 euros, alors qu'il vous a lâché un chèque de 60 et quelques mille euros? Tout à fait. Ouais. Ça vous dérange pas, commercialement parlant? Mais lui, il peut rien faire. Voilà. Non, mais le message à passer à votre patron, ce serait peut-être celui-là, en disant, attendez, quand même, là, il y a un litige entre un fournisseur de pompe et vous-même, et un client qui, visiblement, n'est pas responsable de l'emplacement de cette pompe qui a été dessinée et décidée par vos soins, et installée par vos soins. C'est quand même un petit peu gênant. Ce monsieur est commercial, ce n'est pas lui de décider, on va lui demander d'essayer d'avoir monsieur Renard. Un dernier mot de Blanche Grandvilliers. Oui, mais on comprend qu'il y a une négociation, Julien, mais quand même, c'est le vendeur qui est responsable. Donc, nous, c'est négociation. Sauf s'il y a eu mauvaise utilisation, bien sûr. Ah oui, sauf s'il y a eu mauvaise utilisation, d'accord. Mais c'est pas indiqué. Allez, Hervé, vous récupérez. Merci, monsieur, de votre gentillesse. Je vous remercie mille fois de nous avoir parlé. Je sais que c'est pas très agréable, mais c'était. On a passé un bon moment quand même. Hervé, va vous récupérer. Et on va essayer d'avoir monsieur Renard. Oui, Frédéric. Oui, simplement, je voulais préciser également qu'avec monsieur Dupré, j'ai d'excellents contacts. C'est un commercial. Très sympa, mais il est sympa. Il a pris le téléphone, il s'est pas débiné. Vous inquiétez pas. Je sais que lui, il y est sans doute pour rien. Frédéric, ne parlons pas pour rien dire. On n'est pas là pour dire, on ne distribue pas des points à des gentils ou des méchants. On est tous. Oui, mais vous avez raison, mais je l'ai dit juste avant vous, il est très sympa, ce monsieur, et nous, on veut juste avancer, et ça serait bien que monsieur Renard puisse. Oui. Renard, c'est Zorro, d'ailleurs. Ben oui, Zorro, non. C'est ça, ben, Renard, c'est Zorro, ça veut dire Renard. Un pessimiste qui met la pompe à l'eau, fait les bulles, elle dégage au galop. Sa femme, elle attend sur le bord de la piscine en disant qu'est-ce que c'est ce truc de merde. Enfin bref, voilà, écoutez, c'est une autre façon de voir Zorro. Mais Zorro, oui. Renard, je suis désolé. Ah bon ? Renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, Renard rusé qui fait sa loi. Voilà. Quand même malheureux que vous ne sachiez pas ça après toutes ces années. Nous continuons donc, Frédéric. Ne vous inquiétez pas, dès que vous arrivez, c'est votre mission, oui, d'avoir Monsieur Renard. Et je vais jouer le sergent Garcia et je vais avoir Monsieur Renard. Oui. Si vous êtes capable. Vous avez son physique d'ailleurs. On se retrouve dans une seconde. Alors là, j'aimerais bien Bernardo de temps en temps. D'ailleurs, si vous pouviez faire comme Bernardo de temps en temps, ça ne va pas faire de bruit, ça serait exceptionnel. Est-ce que Gilles est en ligne avec moi? Allô, Gilles? Gilles, je suis en train de te parler, c'est ton copain Julien qui te parle, Gilles. Bonjour Julien. Bonjour Gilles. Tu as appelé à quelle heure, Gilles, sur l'antenne? On se tutoie. J'ai appelé ce matin à 9h30. Bon, mon Gilles, on se connaît pas évidemment, vous nous appelez d'où? De Autis, en Seine-et-Marne. De Autis, la ville de l'ascenseur, où vous avez marié votre fils le 6 août, et il y a un problème avec les photos du mariage, c'est ça? Eh bien, on en parle dans une seconde, vous serez sur l'antenne d'RTL. Il est 9h47, c'est le 9h30, 11h. Bernard, c'est vous qui allez vous occuper de ce cas. Vous allez négocier, vous qui connaissez bien les mariages, vous en avez animé plus d'un. Hein. Grâce à Dieu, oui, j'ai fait avec pour 50 euros et puis... un repas chaud. Comme d'habitude, il vient, il raconte des blagues, il filme, il fait tout. Non, mais c'est super intéressant, je vous assure. Quand on n'a pas envie d'avoir un beau mariage, bien sûr. Vivement, à tout de suite, se marie. Sur l'antenne d'RTL. Chérie, mais t'as une de ces têtes. C'est ton fils qui fait passer nuit? M'en parle pas. Deux jours qu'il est pas bien, j'ai dû faire venir le médecin. Maintenant, il prend du Mylan comme médicament. Tu veux dire Mylan? Mais ça, c'est le nom du labo. Ah oui, ça te dit quelque chose? Bah oui, Mylan, c'est quand même connu comme laboratoire. Tu sais qu'il traite jusqu'à 88% des maladies comme le cancer, le diabète ou l'hypertension. Ça, c'est rassurant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Classification FMRA 2016. RTL présente The Illusionist, la nouvelle génération de magiciens. Pour la première fois en France, retrouvez les 7 plus grands magiciens du monde. The Illusionist, à Paris, aux Folies Bergères, à partir du 17 novembre. Soyez témoins de l'impossible. Location ouverte, un événement TF1, Le Parisien et RTL. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parures de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité Carré Blanc jusqu'à moins 30%. Conditions de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. Christine Haas. Vous souhaitez tout savoir sur ce que 2017 vous réserve? Une belle rencontre, une nouvelle opportunité professionnelle, un changement dans votre vie? Je vous dévoile tout sur votre thème astral ou sur celui de vos proches. N'attendez plus. Retrouvez le livre Votre année 2017 ainsi que votre horoscope signe par signe aux éditions J'ai lu, actuellement en librairie avec RTL. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. N'hésitez pas à nous appeler au 3210 en direct ou sur Facebook, la page Ça peut vous arriver, quel que soit votre problème et l'aberration que vous vivez. Vous vous dites, on marche sur la tête, des aberrations administratives, quel que soit le problème, l'assurance, il y a des photos, des films, allez-y vite, 3210, ce standard est ouvert, vous êtes prioritaire, on récupère vos cas, on vous passe sur l'antenne et on les règle. Une histoire de mariage dans quelques instants et de photos ratées, mais là c'est Sia que nous écoutons. Cheap Thrills, vous êtes sur RTL, les plus grands standards dans 9h30-11h. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. instants sur l'antenne d'RTL, 9h53 en direct, l'émission qui règle vos problèmes dans la bonne humeur. Chaque jour sur la première radio de France, c'est bien sûr le 9h30, 11h. Alors, on revient sur l'histoire des photos. Je rappelle qu'il y a en suspens le cas numéro 1 de cette fameuse pompe balnéo-piscine. Le rêve de ce monsieur, vous savez, quand on dit piscine, on a souvent tendance à dire « Oh oui, est-ce qu'il a vraiment besoin ?» Ben oui, il a mis toutes ses économies là-dedans. Certains, lorsqu'ils ont travaillé toute leur vie, se paient un petit bateau de pêche. Lui, c'était sa piscine, il a mis son argent là-dessus. C'est pour ça qu'il voudrait, en plus, pour satisfaire sa femme qui a des petits soucis de jambes, qu'il veut que ça marche. Alors, on a un deuxième cas en parallèle, celui de Gilles. Gilles, donc, vous avez marié votre fils le 6 août. C'était sympa le mariage, Gilles ? Oui. Ah, c'est plutôt sympa. Elle est bien, votre belle-fille ? Oui, très bien. C'est le téléphone qui est moins bien, par contre. Ah, si vous avez le choix entre votre belle-fille et votre téléphone, choisissez votre belle-fille, je vous le dis tout de suite. À mon avis, elle marche mieux. Alors, vous avez le haut-parleur, Gilles ? J'ai rien du tout. Ah, alors c'est encore plus grave. Alors, on va essayer d'avancer, on vous rappellera tout à l'heure sur une autre ligne. Donc, vous mariez votre fils le 6 août et vous aviez pris un photographe qui devait, quoi ? Il est venu, il a fait des photos, mais il devait revenir vous les montrer, j'ai pas bien compris ça. Il est venu faire les photos. Oui. Et le soir, mon ami devait repasser à la salle pour présenter toutes les photos aux invités. Ah, alors ça, je ne connaissais pas ce principe, donc je traduis pour ceux qui ont peut-être mal entendu. Nous, on a des casques audio dernière génération qui nous permettent de traduire ce que vient de nous dire Gilles. Donc il prend les photos dans la journée, il revient le soir, il fait une présentation, voilà. Comme ça les invités disent je veux celle-ci, je veux celle-ci. Voilà, d'accord. Exactement. Et alors quand il revient, quel est le problème ? Ah, il est pas revenu. Ah, il est pas revenu ? Non. D'accord. C'est ça le problème. Ah oui, effectivement, donc c'est embêtant. On avait un super photographe, on peut voir les photos. Ah non. Ouais, j'ai jamais dit que vous les verriez. J'ai dit qu'on avait un photographe, c'est différent. Oui. Donc vous l'appelez en lui disant à quoi sert de prendre des photos si on ne peut pas les voir ? Et il vous dit ? Bah, il me dit rien du tout. Hein. Et il vous dit parce rien que, non plus ? Non, parce qu'on l'a rappelé le 19, c'est nous qui l'avons rappelé le 19 août pour savoir ce que ça en était. Et vous aviez payé combien pour ces photos ? Versé un acompte de 200 euros. D'accord, sur une commande qui s'élevait à 690. Mais là, au moment où je vous parle, là, tout de suite, 6 septembre à 9h55, vous en êtes où ? Il n'y a aucune nouvelle de rien ? On avait une lettre recommandée qu'ils n'ont pas été la chercher à l'heure actuelle. Ah, alors ils ont peut-être refermé le 21. Alors je précise que c'est un cas express, hein, je le redis, il nous a appelé à 9h30, Gilles, et il est sur l'antenne à 9h55. Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire juridiquement, mesdames. Ils se sont vus, il paraît, le 31. Alors racontez-nous. Vous êtes vus ? Pardon ? Vous vous êtes vu avec le photographe ? Oui, on a eu un rendez-vous le 30 ou le 31. Ouais. Je sais. Et donc ? Donc on a pris un rendez-vous, on a été les voir pour savoir où c'est que ça en était un petit peu. Et lui, il voulait nous faire un CD. On a déjà un CD des photos. Mais le CD pour donner les invités, c'est pas tellement facile. Mais vous voulez quoi exactement, Gilles ? Dites-moi. Moi, je veux, comme il n'a pas respecté son contrat. Oui. Voilà, je veux l'album des 80 photos et les 25 photos. Voilà ce que je veux. Vous voulez 80 photos et 25 photos ? Oui, qui étaient prévues. En fait, vous en voulez 105. Ouais. Et il faudrait qu'il nous finisse les planches, qu'on puisse remplacer chez les invités pour qu'ils choisissent leur photo. Ah, vous voulez pas de CD, vous voulez les planches, d'accord. À l'heure actuelle, il n'y a personne qui a choisi une photo. On d'accord. On n'a aucune photo. Bon, bah écoutez, c'est mais bien. Mais là, vous voulez payer pour ça quand même ? Parce que vous avez payé que 200 euros sur les 690. Oui. On veut un geste commercial. J'espère qu'il va quand même nous faire un geste commercial. Mais oui, mais il va falloir payer quand même la prestation entière. Vous n'allez pas payer que 290. Non, mais ça, je suis d'accord. D'accord. Donc vous voulez payer l'intégralité moins un geste commercial et des planches à montrer. Écoutez, c'est clair, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Mais on va voir. C'est intéressant de savoir si j'ai compris, je pense, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Est-ce que Blanche de Grandvilliers, parce que là, on a quand même différents milieux, on a la baronne de Félonneau, on a Blanche de Grandvilliers. Alors, chez les de Grandvilliers, effectivement, c'est un monsieur qui vient, on ne fait pas de photo. Hein, il a un voile sur la tête, c'est à l'ancienne, on pose dans le jardin, à côté des licornes de Tantaglaé. Qu'est-ce que vous avez compris, vous ? J'ai compris, Julien, que ça va être compliqué aujourd'hui pour les invités de choisir leurs photos, parce que les invités ne sont plus là. Donc, il a quand même un préjudice, notre auditeur, Gilles. Parce qu'il ne va pas aller avec ses planches de photos voir tout le monde, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, cette partie de la prestation du photographe ne pourra pas être exécutée. D'accord, je n'avais pas compris, j'ai encore moins compris. Alors, on va appeler dans une seconde. Bernard. Julien, c'est quand même intéressant lorsqu'on fait un mariage et qu'on a un photographe qui revient au milieu de la soirée pour montrer toutes les photos à tous les invités pour éventuellement qu'ils les achètent. Ou bien parce que le marié veut les offrir à chaque invité. Bien sûr. Là, c'est une prestation qu'il n'a pas eue. C'est pour ça qu'il demande un dédommagement. Donc ça, c'est cette prestation-là qui n'a pas eu lieu. Parce qu'effectivement, après, il peut toujours envoyer des CD, mais il faudra faire des copies. Mais il a raison. Alors, vous l'estimez à combien, vous, Gilles, la ristourne ? Je sais pas. Je pas d'idée, là. D'accord. Donc je l'appelle et je lui dis, il voudrait une ristourne de je sais pas, il a pas d'idée. Et il va me dire, ah non, c'est trop. Bon, alors faisons la moitié, alors. Ok. On va s'en occuper. Vous nous dites ça dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il y a des jours comme ça, eh bien, voilà, on se lève et on ne sait pas ce que nous réserve la vie. Et aujourd'hui, je le dis sur RTL, la vie est belle. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué ? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon Nadia, je file, j'ai 5 interventions à faire ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois vient d'appeler pour une fuite à réparer. Désolé. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer taxe crédit bail maintenance 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. Leclerc. Maman, viens voir! Quoi? Si je te dis je veux du volume 6, la cils zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi? Maman, mascara volume flash de Rimmel. Regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un. Mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis Mamoun. Deux cas ont été lancés dans le 9h30-11h et deux autres seront lancés après les infos. Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. Bienvenue. What's the sense in sharing this one and only life? À la seconde près sur RTL, il est 10h. Et pour l'information, nous retrouvons Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Sur le front des incendies dans l'Aude, les pompiers se déclarent plus sereins ce matin. Le feu autour de la commune de Tuchan est désormais fixé, sans possibilité d'évolution. Au total, il aura ravagé plus de 800 hectares de garrigues. La vigilance reste de mise. Par précaution, 400 pompiers sont toujours sur place, nous indique Patrick Hisson, le correspondant d'RTL dans la région. Près de Marseille, l'incendie est en bonne voie d'être maîtrisé dans le massif des Calanques. Il est fixé sur les flancs et à l'avant, mais à l'arrière, il reste actif. Les rotations de Canadair ont repris. Le vent souffle moins fort, ce qui facilite le travail des pompiers. Le feu a parcouru entre près de 400 hectares de végétation et pour le préfet, il s'agit vraisemblablement d'un incendie criminel. Notre correspondant à Marseille, Étienne Baudu, bien sûr, pour RTL, continue à nous informer sur l'évolution de cet incendie. Dans un bar du centre de Marseille, hier soir, deux hommes de 41 et 59 ans ont été abattus à l'arme automatique. Trois individus sont descendus de voiture devant le bar et l'un d'eux a ouvert le feu à 4 reprises. La police estime que ce sont des représailles dans le milieu du banditisme marseillais. Ça s'est passé à moins de 200 mètres du commissariat central et ce sont les 23e et 24e morts dans le cadre de règlements de compte cette année dans les Bouches-du-Rhône. Ça fait déjà 10 de plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Un campement où vivaient plusieurs centaines de migrants dans le nord de Paris est en cours d'évacuation ce matin. Les réfugiés s'étaient installés dans des tentes sur le terre-plein de l'avenue de Flandre dans le 19e arrondissement. Des bus encadrés par des CRS vont les conduire dans des centres d'hébergement. Le Premier ministre Manuel Valls était l'invité d'RTL ce matin. Il s'est dit triste et même dégoûté par les déclarations de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac qui met en cause Michel Rocard, décédé au début de l'été. Au cours de son procès pour fraude fiscale, hier, Jérôme Cahuzac a affirmé que son premier compte en Suisse avait été ouvert en 1992 pour financer le courant politique de Michel Rocard. Autre affaire, celle de Big Malion. Manuel Valls juge insupportable les déclarations à droite, accusant le pouvoir de mener une manœuvre politique contre Nicolas Sarkozy qui risque un procès dans cette affaire Big Malion. Par ailleurs, le Premier ministre explique que gouverner, c'est faire des compromis en réponse aux reproches d'Emmanuel Macron qui a quitté le gouvernement la semaine dernière en affirmant que le gouvernement justement avait fait beaucoup de choses à moitié. Et puis pour la suite, eh bien Manuel Valls souhaite que François Hollande indique le cap pour la présidentielle dès ce jeudi lors de son discours prévu à Paris. Il ajoute que le président sortant est le plus à même de rassembler les Français en 2017. C'est jeudi justement que nous connaîtrons les arbitrages sur les baisses d'impôts promises aux ménages. Il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français, déclare Manuel Valls. Du foot et du tennis au programme du jour. Les footballeurs français jouent ce soir en Biélorussie leur premier match des éliminatoires du Mondial 2018. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45 et c'est à vivre, bien sûr, sur RTL en direct. Et puis à l'US Open de tennis, 3 Français en quart de finale, dont 2 qui vont s'affronter, Gaël Monfils et Luc Capouille. Et Joe Wilfried-Tsonga, lui, sera face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, plus 0,34%, et la tendance persiste alors qu'il est à la hausse, le CAC 40 autour de 4549 points. La météo, ce matin, la grisaille couvre le ciel d'un quart nord-ouest du pays, et puis cet après-midi, l'amélioration est attendue. On attend même une hausse des températures, 23 degrés à Cherbourg, 24 à Brest, à Lille, à Mulhouse, 25 à Paris. Sur le sud, ce sera encore du beau soleil, 27 degrés attendus à Lyon, 31 à Marseille, 32 à Montpellier, 33 à Toulouse et Bordeaux et jusqu'à 34 à Perpignan. Les courses à Nancy, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet cet après-midi. Il vous conseille de jouer le 12, le 5, le 2, le 7, le 6, l'As, le 16 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 6, imprimeur. Il est 10h04 et vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Merci Marie. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Il y a une alerte, une double alerte, une triple alerte, une quadruple alerte, on a compris. Qu'est-ce qui se passe, Hervé Pouchol? Je suppose donc que c'est sur la pompe, puisque tout à l'heure, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, Frédéric nous a appelé à propos d'une pompe qui était un peu le rêve de sa vie et toutes ses économies. Écoutez. J'ai fait construire une piscine avec une option balnéo. Mon épouse infirmière ayant des problèmes de jambes lourdes. La pompe est tombée en panne, enlevée et réparée en 2015. Elle est à nouveau HS depuis fin mai 2016. On est en septembre et je n'ai plus de nouvelles. Nous avons appelé le magasin qui nous a passé le commercial, très sympa. D'ailleurs, Frédéric nous a dit, ce commercial, je tiens à le dire, est très gentil. Il nous a dit, je ne suis que le commercial, on est en train d'essayer de négocier avec la maison mère un changement de pompe et ça traîne. Et mon patron, je vais essayer de l'avoir, mais il est au rendez-vous, il est très occupé, on a insisté. Et Hervé, vous avez sorti votre carte maîtresse, le coup du père François, pour avoir le patron. Et bien voilà, c'est surtout lui qui a essayé d'obtenir son patron, qui lui a répondu, parce qu'il m'a dit, je peux pas le déranger quand il est en rendez-vous commercial. J'ai dit, dérangez-le. Et il l'a fait, et il a eu une réponse. Et la réponse, elle est plutôt positive. Il va vous la donner en direct. C'est Monsieur Dupré qui vous la donne, il est là. Monsieur Dupré, je vous écoute. Je vous écoute sur l'antenne d'RTL, on y va. Oui, je vous confirme, j'ai bien eu Monsieur Renard. Et donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va la prendre en charge, et on va pouvoir la changer dans les plus brefs délais. C'est là. Pas beau, ça, voilà. Vous êtes formidable. Eh bien, moi, je dis bravo. Bravo, côté voilà. Jardin, piscine, carré bleu. Est-ce que vous avez entendu mon Frédéric? Oui, oui, c'est génial. Et je remercie toute l'équipe de votre attention pour moi. Là. Et comme je vous dis, je répète à nouveau, moi j'ai d'excellents contacts avec cette société. Je trouvais dommage d'avoir un litige comme ça. Mais carré bleu, c'est des bons. Et le monsieur qu'on a eu en ligne est un très bon aussi. Donc on est tous entre bons. Et vous allez avoir une belle pompe. Votre femme va s'allonger. Elle va se mettre dans le jacuzzi. Et pendant ce temps-là, vous regarderez Pénard, France, Biélorussie sans qu'elle passe devant l'écran. Et tout va bien, Frédéric. On est d'accord? C'est parfait, merci. Eh bien, Julien. Parfait, merci. Et bravo, côté jardin. Et voici une première affaire de régler. Il est 10h06. L'émission qui règle vos problèmes avec ce matin Blanche de Grandvilliers qui nous racontera un peu ses vacances quand même, parce qu'elle a été très discrète là jusqu'à présent. Hein. Et puis il y a bien sûr Maître Fellono, nos négociateurs. Bernard, c'est à vous de jouer. Nous allons appeler le photographe. Rappelez dans ce français qui vous caractérise et que l'on adore tous les tenants et les aboutissants de ce dossier, puisque c'est un appel de Gilles qui a été téléphoner en direct à 9h30, faites-le tout de suite là, je vous le dis les gars, je vous le dis les filles, je vous le dis les meufs, je vous le dis les cums, parce qu'il faut parler à toutes les générations maintenant, en appelant maintenant là à 9h30, vous passez ou à 10h07 sur l'antenne d'RTL, toutes les aberrations, ces trucs où on se dit mais c'est pas possible que ça m'arrive, on peut les régler, donc 3210 ou Facebook. De quoi parle-t-on? On revient sur le photographe. Exactement Julien, c'est Gilles qui a marié son fils et qui a choisi un photographe. Il a versé 200 euros d'acompte, et le jour du mariage, il y a des photos qui ont été prises, et le photographe devait revenir le soir même pour présenter toutes les photos aux mariés, mais aussi aux invités. Il n'est jamais revenu. Donc évidemment, Gilles, notre auditeur, n'est pas content, puisque donc, et il veut donc les photos qu'il manque, mais aussi, tout simplement, une ristourne sur le projet. On rappelle Bernard pour nos auditeurs que vous êtes le fils de Nicolas Hulot, parce que les gens ne le savent pas, mais on peut leur dire. Il a appelé pour... Ha ha ha! Je vous assure, je me sentais mal. D'ailleurs, on va marquer une pause parce que là, j'avais l'impression que vous alliez faire un pneumothorax. J'ai fait de l'as. Ah, c'est vous faites de l'as. Depuis la semaine. J'ai de la ventouse. Ah, ben fallait. Je la fais venir de Suisse, de la super. Tu vas voir. On va voir. À tout de suite sur RTL. Ça y est, chérie, je suis passé chez le médecin, à la pharmacie. J'ai récupéré du Mylan comme médicament. Mylan, Robert, ça se dit Mylan. Ah oui, alors évidemment, toi, tu connais ça par cœur. Mais oui, t'aurais pu demander à la pharmacie, c'est connu comme laboratoire. Tu sais que Mylan s'engage à choisir des excipients qui réduisent au maximum les risques d'intolérance. Et pour toi, ça peut être important. Eh ben non, je savais pas. Ben maintenant, je le sais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Petit message Peugeot en forme de devinette. Quelle est la différence entre une perceuse sans fil et l'utilitaire Peugeot Partner électrique? Eh bien, les deux se rechargent en 30 minutes seulement, mais la perceuse ne possède pas de banquette 3 places. Le Peugeot Partner électrique est à partir de 159€ hors taxes par mois. Option charge rapide 30 minutes et prise de recharge à domicile offerte. Crédit bail 60 mois et 50 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstorePro.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est parti, nous appelons Bernard. C'est votre mission, celle de Gilles, photographe. Enfin, votre d'appeler le photographe. Ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Ah. Pour le joindre, désactivez la restriction de la présentation de votre ligne. On le fait une deuxième fois en désactivant la restriction. Donc dès que Sarah aura désactivé la restriction, nous aurons... Après, vous nous direz quand même en deux mots comment on calcule en général le préjudice. Oui, Sarah ? Je tente le fixe le temps qu'on recompose le numéro ailleurs. D'accord, je n'ai rien compris. Décidément, ce dossier est très compliqué. Du moment que j'ai quelqu'un, vous faites ce que vous voulez. Ils ouvrent à quelle heure en général, Gilles ? Ah. Studio Photo, bonjour. Oui, bonjour le Studio Photo, Julien Courbet à l'appareil. Je ne vous dérange pas, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vous appelle, je suis avec Gilles Duège, qui a eu un petit souci avec les photos du mariage de son fils. Oui. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir un responsable ou peut-être vous-même pouvez-vous me parler? Alors, monsieur Fille est absent pour l'instant, mais il sera là vers 11h30, si vous voulez le rappeler, il n'y a pas de souci. C'est un peu tard pour moi, ça finit 11h. Il n'y a pas une possibilité pour le joindre? Ben là, il est en prise de vue. Il risque de pas vous répondre. Ah. Vous êtes joignable jusqu'à quelle heure? Alors, on est joignable en fait tout le temps, mais on est à la radio entre 9h30 et 11h. Si vous pouviez lui envoyer un petit texto. Est-ce que vous avez eu du nouveau le concernant Gilles? Vous connaissez cette dame d'ailleurs. Vous pouvez la saluer parce qu'elle est très gentille. Oui, c'est des gens adorables. Oui. On les a vus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que j'ai écouté la version de Gilles. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce mariage? Alors, ils sont très contents des photos puisqu'on leur a montré. Ils sont passés, je crois. Vous savez, je reprends le 31 août. Mais là, il me semble que c'est début de la semaine dernière. Ils sont passés à la boutique nous voir. Ouais. Et on leur a montré les photos. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont contents du reporter, mais le laboratoire était fermé au mois d'août. Donc, il n'y a pas eu la présentation le soir même pour les invités. Mais bon, vous savez maintenant pour ce qu'on a comme commande. Mais ceci dit, moi, cette semaine, je leur ai envoyé un lien. Juste, madame, quand vous avez accepté de prendre cette commande, il était bien spécifié qu'il fallait venir présenter les photos le soir même. Sur écran, oui. Oui, sur écran. Et donc, ça n'a pas... Le reporter, c'est ce qui a été mis. Il y a un... Comment ça s'appelle? Un mail qui leur a été envoyé. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Cette semaine. Non, j'essaie de comprendre. Mais il n'y a pas de malice dans ce que je vous dis. C'est juste, j'essaie de comprendre. Il a signé, lui, une prestation pour que quelqu'un vienne prendre des photos et les présente aux invités le soir même. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que les photos ont été présentées le soir même aux invités? Qui arrive, je vais en profiter pour vous passer. Ah, c'est formidable. Ne quittez pas. C'est génial. Alors, le patron arrive tout de suite. Il était en prise de vue. Allô? Monsieur? Ne quittez pas. Je vous en prie. Allô? Monsieur? Allô. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis avec Gilles Duège. Vous voyez de qui il s'agit? Le mariage du 6 août. Bon, alors, Gilles nous dit la chose suivante. Rien de grave, hein, on essaie de voir comment on peut arranger les choses entre amis. Gilles nous dit qu'il avait payé pour une prestation où il y avait des photos du mariage, mais qu'on devait revenir le soir présenter les photos aux invités pour qu'ils puissent les prendre. Et que ça n'a pas eu lieu. En fait, pour un album Attendez, je regarde, il faut que je ressorte l'affiche. Alors, là, vous voulez regarder un petit peu l'affiche et puis on se parle dans une seconde? Oui, il faut que je regarde l'affiche. Allez, allez-y, comme ça, on va parler. Je veux que vous ayez tout sous les yeux, qu'on puisse parler sereinement et efficacement. Gilles, on laisse ce monsieur, c'est super qu'il soit là. Bravo Bernard. Je récupère donc monsieur Ossini. Voilà, et puis dès qu'il y a la négo, on l'a fait sur l'antenne. Ah hein, oui, bien sûr. Rien ne se fait en antenne, mais laissons-lui le temps de se replonger dans ce dossier. Bon, apparemment, il y a eu un rendez-vous le 31 août, mais il a peut-être oublié un peu les tenants et les aboutissants. Les cas se bousculent. Christelle sera en ligne dans quelques instants. Ça sera le troisième cas. Ah, c'est le gros cas de la journée. Hein. Je vous en ai parlé, je crois, hier. C'est une histoire de cuisine équipée et on parle de 8 341 euros. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que vous, Blanche, vous allez expliquer à Maître Filoneau ce qu'est une cuisine. Comme ça, elle comprendra mieux. Et dès qu'elle saura un peu de quoi on parle, ça nous permettra d'avancer. Alors, c'est un endroit, comme ça, en deux mots, où les gens font à manger pour les autres. Et voilà. C'est... Ah, d'accord. Je crois que c'est plutôt Maître Filoneau qui pourrait vous expliquer. Oh, alors là, vous êtes très très mal tombé parce que je pense à ma femme qui hier, l'autre jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu débarrasser le lave-vaisselle. J'avais quelque chose à me faire pardonner, donc j'ai sorti les assiettes et je me suis retrouvé au milieu de la cuisine avec les assiettes et elle me regardait, elle ne disait rien. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit j'attends de voir si tu sais où on les met. Je lui dis tu redoutes ? Elle me dit oui. Elle me dit, tu sais depuis combien de temps on a cette cuisine ? Je dis, oui, ça fait 15 ans. Alors, tu dois savoir où elles sont. Oui, mais je n'ai pas envie de les mettre tout de suite. Et je me suis senti tout penaud, je dois le dire. Oh, mais fallait me dire que c'était ça. J'aurais préparé un lancement. Extraordinaire. Queen sur RTL. Another Bite the Dust. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. We're gonna get you too. Another one bites the dust. un chef-d'œuvre sur RTL, signé Queen, 10h17. Le photographe Bernard Sabat, pouvez-vous nous faire un point, s'il vous plaît, sur cette prestation qui n'aurait pas été entièrement réalisée? C'est ce que nous dit en tout cas l'auditeur. Écoutez, je pense que ça sera un petit peu plus long que prévu, donc je vous propose la pub d'abord, et après il y aura un point qui sera fait, parce que c'est un petit peu plus long. Ces explications du photographe semblent très claires, mais pas du tout en adéquation à ce qu'on a entendu. Alors, ce que je veux, c'est papa. Que la discussion ait lieu sur l'antenne d'RTL, et elle aura lieu, cette discussion, juste après ceci. Oh la vache, j'ai fini en même temps, dis donc. Après 17 ans, j'y arrive. Baron de l'Estac. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah, pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estac. Pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous rêvez de faire construire votre maison? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Votre saison pro recommence? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bbox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bbox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Le mois Carrefour! Aujourd'hui, le mois Carrefour commence avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% d'économies sur la carte Carrefour, sur les gourdes Andros et encore plein d'autres produits de marque. Jusqu'à 70%? Génial! Alors embarquement immédiat! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'au 12 septembre, profitez de 70% d'économies sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque. Valable sur les gourdes pommes nature Andros par 18. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors, à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous conditions de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, nous reprenons le cas du photographe avant d'attaquer la cuisine équipée à 8 000€, 10h20, le 9h30-11h. Gilles, qui donc commande un photographe pour le mariage de son fils. Le photographe doit prendre des photos dans la journée et repasser le soir pour les montrer. C'est ce qu'il nous dit en tout cas aux invités. Prestation qui n'aurait pas eu lieu, c'est ce qu'il nous dit aussi. Donc vous avez le patron qui est avec vous, Bernard, qui n'a pas tout à fait la même version. Est-ce qu'il est en ligne avec moi? Oui, il est en ligne, Julien. Vous m'entendez, monsieur? Oui, bonjour. Alors, rebonjour. Donc, est-ce qu'on est d'accord là-dessus, sur cette prestation qui consistait à revenir montrer les photos le soir? Non, pas du tout, puisque nous savions que le laboratoire était fermé. D'accord. Donc, on présenterait que sur écran, ou qu'on mettrait la mise en ligne des photos et des planches contact. Alors, actuellement, ce qui a été fait, la mise en ligne est faite, bien sûr, depuis un moment, puisqu'on leur a fait un courrier la semaine dernière, d'ailleurs. Alors, Gilles, donc, vous sortez d'où le fait qu'il devait revenir montrer les photos autrement que sur écran, Gilles? C'est marqué sur la réservation noir sur blanc. Qu'est-ce qui a marqué exactement sur la réservation noir sur blanc? Présentation des photos le soir. Oui, mais voilà. Il dit que ça a été fait sur écran. Donc nous, non. On l'a fait le soir. Enfin, le soir, tout au cours de la journée, quand on prend les photos d'invités notamment, on va vers eux et on leur montre sur le boîtier. Sur le boîtier, l'écran du boîtier. Ah ouais, enfin monsieur, c'est-à-dire que vous prenez une photo de quelqu'un et vous lui dites, tenez, j'ai pris cette photo, est-ce que vous voulez l'acheter? J'en prends une autre. C'est pas possible. Ouais, ça. On choisit ensemble l'expression, en fait, parce qu'on en fait plusieurs. Non, mais monsieur, attendez, il y avait combien d'invités? Bon, d'invités, ils étaient quoi, 60, peut-être? Donc, vous avez pris 60 personnes comme ça, et à chaque fois que vous prenez une photo, vous allez montrer le petit boîtier, est-ce que cette photo, vous voulez la prendre? Quand on prenait des couples. Vous n'aviez même pas un écran pour dire, c'est pas possible, monsieur. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les gens, ils veulent choisir des photos. Oui. Donc, nous, on fait tout, puisque nous, on peut vendre des photos. Oui. C'est tout pour qu'ils puissent les voir, c'est clair. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, est-ce qu'on peut parler calmement? Écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas sur la mise en ligne. Monsieur, ne partez pas sur la mise en ligne. Restons sur ce qui a marqué sur le papier. Sur le papier, pouvez-vous me relire la phrase exacte, s'il vous plaît, Gilles? C'est marqué. Présentation des photos le soir. Bon, alors monsieur, j'ai un petit peu l'habitude. Alors, attendez, laissez-moi finir, soyez sympa, laissez-moi parler, chacun son tour. Et après, il va se taire, Julien. Qu'on allait mettre en ligne. D'accord, alors encore cette ligne. Alors monsieur, la ligne, est-ce que j'ai bien compris que vous aviez mis en ligne, mais je ne veux pas parler de la ligne pour l'instant. Est-ce que vous acceptez, monsieur, que je vous pose une question et d'y répondre? Ou alors, on a deux conversations, vous vous parlez de football, moi pendant ce temps-là, je parle de basket, maître Philonneau. Voilà, non, mais alors, laissez-moi vous poser une question, monsieur. Laissez-moi. Monsieur, est-ce que vous voulez parler tout seul? Si vous voulez, je vous donne 3 minutes, vous parlez tout seul et après, je vous poserai votre question. Non, mais j'essaye de m'expliquer. Non, mais avant de vous expliquer, il faut qu'on vous pose une question. On ne s'explique pas tout seul, vous ne voulez pas le matin en vous disant je vais m'expliquer. Je vous pose une question, vous ne me laissez pas la poser. Donc, je reprends. Dans différentes manifestations où j'ai eu l'occasion d'aller, ça peut être dans des clubs, dans des hôtels, il y a des photographes qui viennent. Et après, il y a un grand panneau, notamment dans les Club Med, les machins, où vous avez toutes les photos. Ça, ça se passe partout comme ça. Vous, vous êtes en... Ah, je n'ai pas encore fini. Oh là là, putain, gagant. J'ai pas fini, monsieur, je finis. Monsieur, laissez-moi finir, s'il vous plaît, j'ai pas terminé. Vous, vous êtes en train de me dire que vous avez fait... Donc, bah, monsieur, écoutez, on peut pas discuter avec vous. C'est terrible parce que... Et ça, ça prouve bien, monsieur, que vous avez pas envie d'avancer dans le dossier parce que vous, vous avez la technique... Vous savez, quand ça fait 17 ans que je fais l'émission et quand on appelle les personnes qui se sentent merdeuses, elles parlent en permanence comme ça. C'est ce que vous êtes en train de faire là actuellement. Ils veulent enfin avoir l'album gratuit. Mais j'ai pas dit que vous aviez tort, monsieur. Je n'ai même pas dit que vous aviez tort. J'essaie juste de comprendre. Mais comme vous vous dites que ça sent pas bon, vous parlez en se disant plus je lui coupe la parole, moins il parlera. Au lieu de quel moment attendre ma question et d'y répondre. Est-ce que vous êtes prêt à attendre ma question? J'ai l'impression que ce sont des mauvais payeurs. Est-ce que vous êtes prêt à écouter une question, monsieur? Bah, je t'écoute alors. Ouais! Alors on y va. C'est parti. Calmement. Est-ce que pour tous ceux qui vont contracté à l'avenir avec le studio Ossini, c'est vous, à Aulnay-sous-Bois, on peut leur dire que... Est-ce que, je reprends donc, pour tous ceux qui vont contracter avec le studio Ossini à Aulnay-sous-Bois, on peut leur dire que quand vous dites sur un contrat que vous montrez les photos, en fait, vous les montrez dans le boîtier une fois que vous l'avez prise la photo? Ça dépend, si on a l'ordinateur avec nous, on peut très bien les montrer sur un d'accord, ordi. Mais quand vous mettez sur le contrat, vous ne stipulez pas s'il y a l'ordi ou pas. Or là, ce jour-là, est-ce que vous aviez l'ordinateur? Deuxième question. On n'avait pas l'ordinateur. Voilà. Donc, vous avez vendu à ce monsieur une prestation où on pouvait voir les photos pour les choisir, mais il fallait les regarder une à une sur le boîtier, client par client. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il fallait les regarder sur place, bien sûr. Mais évidemment, on n'allait pas aller à Troyes ou à... On n'allait pas aller à Genève pour les voir. Je me doute que c'est sur place. Je vous explique juste sur la facilité. Le soir du mariage, les mariés ou les parents n'allaient pas commander leurs photos le soir même. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est ce qui se passe, par exemple, dans un... Moi, je fais du cheval. Vous voyez, il y a des gens qui prennent des photos. À la fin de l'épreuve, il y a un écran où il y a 400 photos et vous passez avec la souris. Et vous dites, j'achète celle-là. Mais j'ai jamais vu dans un concours de cheval le photographe qui, à chaque fois que le cavalier sort de piste, dit, oh, attends, viens, viens. Regarde dans mon appareil, tu veux laquelle? Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'aviez pas l'écran, monsieur. Et on ne pouvait pas voir les photos. On n'a pas proposé l'écran. Voilà. Mais on a discuté ensemble. Et on vous avez discuté, c'est bien. L'idéal, maintenant, ça serait de mettre en ligne toutes les photos, oui. De vous faire le CD et un jeu de planche contact pour ceux qui n'ont pas Internet. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est la question, elle n'est pas là, ça que vous l'ayez mis en ligne. Là, est-ce que sur le contrat, il était stipulé qu'il devait le voir le soir? La réponse est oui. Est-ce qu'il pouvait voir les soirs? La réponse est non. Est-ce que pour compenser, vous les avez mis en ligne? La réponse est oui. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas Internet, vous avez fait éventuellement une planche après? La réponse est oui. Mais le soir même, vous n'avez pas fait ce qui était prévu. Ah, si, parce que après, je veux dire, ce qui était prévu, mais puisqu'on en a discuté et qu'ils étaient d'accord. Ça... Avec qui vous en avez discuté? Non. Avec qui vous en avez discuté, monsieur? Eh bien, avec la maman. On lui a dit au revoir, poliment, et on lui a dit, écoutez, bon, vous prépare le CD, et puis voilà. Alors, Gilles? Non. Allez-y. Ouais. Mais non, et quand le photographe est parti, il a dit au revoir, ma femme, il a dit, de toute façon, vous revenez ce soir. Il a dit, non, je reviens pas ce soir. Voilà ce qu'il a dit. Bon, alors, aujourd'hui, on essaie de trouver une solution, monsieur, maintenant que les choses sont bien claires. Est-ce que vous êtes... Bon, de toute façon, il ne pourra plus revenir, c'est fini, le mariage est passé. Donc, c'est en ligne, etc. Lui, il veut un petit dédommagement, enfin, en tout cas, une ristourne sur le fait qu'il n'y a pas eu la prestation, puisque vous n'avez pas pu montrer les photos le soir, comme, apparemment, c'est marqué sur le contrat qu'on peut mettre en ligne, hein, sur le site d'RTL. Vous me l'envoyez, Gilles. Je leur ai dit, écoutez, ça a l'air de vous chagriner. Par contre, il m'avait dit qu'il trouvait les photos magnifiques. Mais ça, ça, peu importe qu'elle soit moche ou belle, c'est pas le problème. Le problème, c'est il a. C'est quand même l'essentiel d'avoir des belles photos. Oui, mais c'est pas ça son problème. Son problème, c'est que le soir, il a payé pour que le soir, les gens voient un mur avec des photos et disent je veux celle-là, je veux celle-là, ça n'y était pas. Il veut quelque chose. Donc, alors, qu'est-ce qu'il veut exactement? Eh ben voilà, Gilles, il veut une ristourne, voilà, sur son prix. On est bien d'accord? À faire des cartes de remerciement. Alors, on va marquer une petite pause et on va trouver un petit accord et on n'en parle plus. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait juste pas d'ambiguïté, monsieur. Si moi, je marie demain quelqu'un et que le photographe me dit je reviendrai montrer les photos, je m'imagine qu'il y aura soit un écran ou avec une souris on va passer, soit un tableau avec les photos blanches. Oui, et c'est le professionnel, donc le photographe, qui a l'obligation d'information sur sa prestation. Si effectivement il ne pouvait pas mettre une planche, il aurait dû l'expliquer clairement. Allez, Bernard, dans une seconde, on trouve un accord entre Gilles et le studio Cini, comme ça on n'en parle plus. On attaque le cas, pendant ce temps-là, en parallèle, de la cuisine à 8000 euros. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contempler les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile. Simplifier votre déménagement, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akhéna, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhéna règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhéna s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhéna? Chez vous, bien sûr. Akhéna, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhéna. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akhéna, la reine des vérandas. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Comment prendre soin de sa Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors c'est très simple. Étape 1, tapez l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Étape 2, sélectionnez le point de vente le plus proche de chez vous, puis la date et l'horaire de votre choix, et voilà, c'est fait. Prenez rendez-vous pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bon, Bernard, où en est-on? Il faut maintenant qu'il y ait une négociation et on attaque la cuisine. Je vous écoute. Écoutez, la négociation a eu lieu hors antenne, Julien, pendant la publicité, et les nouvelles sont bonnes. Je laisse les studios Ossini vous annoncer la nouvelle. Je vous écoute, monsieur Ossini. Oui, alors, écoutez, comment c'est mis d'accord, là? On vous propose donc la prise de vue et les albums à 500 euros. Allô? Très bien, oui, très bien. J'ai peur d'avoir un problème de batterie sur mon portable. D'accord. Quelques instants. Est-ce que ça convient à Gilles, ce prix-là, 500? Oui, 500, ça marche. C'est parfait. Bravo à tous les deux. Bravo le studio Ossini, à Aulnay-sous-Bois. Bravo à Gilles. Oui. Et en plus, monsieur Ossini. Il y a des commandes invitées pour compenser éventuellement, puisque les photos leur plaisent. D'accord. Voilà. Et monsieur Ossini m'a dit hors antenne, Julien, j'aimerais qu'il le reconfirme, c'est qu'il offrait deux posters des mariés pour justement Gilles et la belle famille. C'est plutôt sympa, ça aussi. Oui, c'est sympa. Eh ben voilà, Gilles. On va remercier mille fois Studio Cini. Merci beaucoup, monsieur Aulnay-sous-Bois, pour vos mariages. Faites appel à eux. Et puis voilà, monsieur, ce qui est mieux, c'est d'avoir un petit écran. Mais là, ce jour-là, vous ne pouviez pas l'avoir. C'est des choses qui arrivent. Le tout, c'est de trouver un accord. Voilà, Gilles, on va se quitter là-dessus. Content? Merci bien, Julien. Merci à tous les deux. Et au revoir à votre équipe. Je vous en prie. C'est le deuxième cas réglé ce matin. Hervé a réglé le premier. Il marquait un point égalisation à l'instant de Bernard Sabat. Merci. Mais le gros dossier arrive maintenant. Le coût de la la cuisine équipée avec Christelle sur l'antenne d'RTL. Dans le 9h30-11h qui nous a dit ceci. J'ai payé plus de 8000 euros une cuisine. Le plan de travail devait être taillé par un menuisier. Il ne l'est pas. La crédence est rayée, la colonne de four trouée. J'en passe et des meilleurs. Le cuisiniste promet mais ne fait rien. Alors ce n'est pas Christelle qui est en ligne sur l'antenne d'RTL, c'est Franck, son compagnon. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Franck, parce que Christelle est occupée ce matin. C'est ça. Donc cuisine équipée dans un magasin d'ameublement. Après l'installation, vous avez relevé de nombreux défauts. Crédence rayée, colonne four trouée, coin d'un tiroir abîmé, plan de travail qui n'est pas la bonne dimension, constaté par le gérant du magasin lui-même. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là ? Eh bien, il nous dit qu'il va faire le nécessaire, sachant qu'il a commandé les éléments en SAV, qu'il les avait de disponibles en son magasin. Il avait recontacté son menuisier pour venir constater effectivement que le plan de travail n'était pas aux bonnes dimensions. Et nous avons envoyé, depuis ce jour, plus de nouvelles. Nous avons envoyé deux recommandés. Ça fait combien de temps que vous attendez, là, maintenant ? Il n'est pas allé chercher. Combien de temps que vous attendez ? Eh bien, la cuisine a été installée le 7 mars 2014. Wow. Peu de temps après l'installation, le constat a été fait et depuis, plus rien. C'est incroyable. Il a fermé, vous êtes passé devant, vous vous êtes renseigné. Ah non, il exerce toujours. Hein, il exerce toujours. Il ne vous répond pas, il ne va même... Alors ça, c'est grave quand on commence à ne pas aller chercher les courriers recommandés Blanche Grosvilliers. Alors le 17 février 2016, nous avions envoyé un recommandé qu'il a réceptionné, mais sans réponse. Oui. Nous l'avons eu au téléphone plusieurs fois, il nous a toujours dit qu'il faisait le nécessaire avec son menuisier, etc. Mais ensuite, après, plus rien. D'accord. Et le 28 juillet dernier, nous avons envoyé à nouveau un dernier recommandé, mais cette fois-ci, il n'est pas allé le chercher. Allez, Maître Blanche Grandvilliers, on lance l'appel. En même temps, pour ce dernier recommandé, c'était au mois d'août, donc peut-être n'était-il pas là, mais c'est vrai que le premier est resté sans réponse, vraiment, et là, ça commence à tarder. Juste, Julien, en termes de délai, on est très bien, puisque ça n'a pas été livré, la prestation n'a pas été faite, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose, que la cuisine soit installée. Sinon, il faut saisir le tribunal immédiatement. Je précise, Julien, oui. que nous lui devons encore 429 euros, oui. qui devait solder, je dirais, le travail accompli. Et que vous n'y avez pas encore donné. Ah ben, on l'a pas encore Écoutez, donné. Vous avez déjà donné. Il a déjà donné beaucoup, Maître Felloneau. Oui, il a déjà donné beaucoup. C'est vrai qu'on dit toujours, méfiez-vous, vous devez payer au fur et à mesure de l'exécution de la prestation. Le problème, c'est que c'est un piège pour nous, les consommateurs, Julien, puisque c'est au cours de l'édification de la cuisine, au moment de son installation. Lui n'était pas derrière le menuisier à vérifier ce qui se passait, mais ils ont constaté ensemble certaines choses une fois que c'était installé. Donc, il a payé, c'est vrai, 98%, on ne peut pas le lui reprocher. Bon, nous allons rappeler, c'est une grande enseigne, je ne comprends pas qu'on ne règle pas. C'est pour ça qu'on fait ces dossiers le matin, parce que c'est ce genre de blocage, moi, qui m'intrigue. Il n'y a rien d'extraordinaire et pourtant, il y a des gens qui ont payé, qui attendent, on ne leur donne pas de nouvelles. Alors, il va sûrement sortir quelque chose du chapeau, hein, que l'on ignorait. Mais il nous faut avoir, bien sûr, la partie adverse que nous faisons maintenant. Nous allons à Laon. Laon, L-A-O-N. Et ce magasin-là a 3 antennes. Comme vous. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, le magasin Bobalpa ? Oui. Bonjour Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur. Je suis avec votre client, c'est la facture, alors on va vous redonner son nom d'ailleurs. Monsieur, c'est Madame Coutelli, Monsieur Foudrin qui vous ont acheté une cuisine. Et apparemment depuis plus d'un an et demi, il y avait eu des malfaçons, ils attendent les pièces. Et il n'y aurait pas de réponse aux recommandés, en tout cas aux, qu'ils auraient envoyé les derniers. Est-ce que je pourrais avoir un interlocuteur s'il vous plaît, monsieur ? L'interlocuteur est en rendez-vous là pour l'instant. Ah, c'est le patron, c'est ça ? Oui, c'est le patron, mais il est en rendez-vous. D'accord, mais c'est Monsieur Tutin ? Oui. Bon, il n'y a aucune façon de lui envoyer un petit texto, parce que comme ça fait quand même plus d'un an... Ça fait combien de temps que vous attendez maintenant ? Ça va faire 2 ans. 2 ans, vous voyez, c'est pas, ça fait peur quand même pour des pièces qui, pour sa cuisine. Vous êtes sûr qu'on... Qui s'occupe de votre dossier là-bas ? Monsieur Tutin. Ah, c'est lui-même. Donc là, Monsieur Tutin, il n'est pas là. Bon. Non, non, c'est, il est le directeur, M. Dutin, qui m'a fait part des appels de M. Oui. Bourdrin. Et en vous disant quoi ? Doit ce matin rencontrer l'installateur qui est intervenu chez M. Fourdrin pour refaire le point avec lui. Mais comment ça se fait que ça a duré si longtemps, monsieur ? Parce que là, au bout d'un an et demi, qu'il décide ce matin, pile quand on appelle, d'aller voir l'installateur. Non, c'est pas ce matin. C'est, ça a été décidé la semaine dernière. D'accord. Parce que Madame, Madame Fourdrin a contacté M. Tutin au magasin. Oui. Et donc, M. Tutin a pris, m'a dit qu'il faisait le point avec l'installateur. Il devait déjà le faire vendredi, mais ça n'a pas été possible. Donc, il doit le faire ce matin. Mais ceci étant dit, quels sont les soucis ? Vous reconnaissez qu'il y a eu des soucis sur la pose, le matériel ? Tout à fait. Hein, c'est pas de sa faute, on est d'accord. Bon, Maître Félonneau. Bon, moi, je pense que le point, il va être très vite fait parce que c'est un plan sur mesure. À partir du moment où les mesures ne sont pas bonnes, il doit revenir, reprendre les bonnes mesures et refaire le plan de travail. Je pense quand même qu'il ne faut pas 2 ans quand on est responsable de son dossier. En plus, le reste, ce sont des malfaçons sur de l'électroménager. S'il y a des choses qui ont été recommandées, il ne faut pas 2 ans non plus pour se faire livrer. Mais comment ça se fait, monsieur, qu'il y a eu 2 ans ? Une enseigne comme la vôtre, là, c'est incompréhensible. Comment ça se fait ? Vous avez une explication, vous, non ? Non. Sur le fait que ça ait pris 2 ans ? C'est M. Dutin qui gère le dossier. Dutin. D'accord. Et vous faites partie du groupe Mobalpa ? Oui, je suis vendeur. Non mais vous, les magasins de M. Dutin, c'est la grande enseigne Mobalpa ? Oui, tout à fait. D'accord, bon. Écoutez, essayez de lui envoyer un petit texto, vous feriez ça pour moi ? Bien sûr. Pour lui demander de nous rappeler dans les 20 minutes qui viennent, qu'on puisse avancer là-dessus ? D'accord. Je ne veux pas servir Pouchol. Hervé, vous donnez le numéro et je demande à Sarah Charlotte de bien vouloir me trouver le numéro du siège. Si ce n'est déjà fait, de Mobalpa, de manière à avoir quelqu'un. Non, ça c'est le siège, le numéro que vous me montrez à l'hasard des établissements Tutin. D'accord. Moi, je voudrais le grand, le Mobalpa. La marque. Jean-Pierre Mobalpa, celui qui a créé la marque, qui est très connu d'ailleurs. Oui, alors ça, vous ne le connaissez pas, Maître Félonneau, ça serait tout à fait votre cam. Ah, oui. C'est un beau gosse, la cinquantaine, avec porte de placard intégrée. Il a un plan de travail remarquable. Ah, c'est un très bel homme. Je prends. Donc il nous faut avoir la marque parce que, encore une fois, on est vraiment pas là pour embêter les gens. On est là au contraire pour arranger les situations et dès qu'on le peut. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'un problème comme ça, au bout de 2 ans blanches, ne soit pas réglé. Ça, c'est juste incompréhensible, comme a dit Nathalie. Et peut-être que le menuisier qui était chargé de mettre la cuisine aux mesures pourrait aussi nous donner des explications. Mais j'aimerais bien. Alors attention, nous allons avoir, je l'espère, Monsieur Tutin. Nous essayons d'avoir le grand siège de Mobalpa et nous allons continuer ce troisième dossier. 2 déjà, je vous le dis, ont été réglés. Et pendant ce temps-là, qui arrive ? Eh bien, le bronzé Julien Doré avec Le Lac. Premier extrait du très attendu nouvel album de Julien Doré qui sortira le 14 octobre. Vous êtes dans le 9h30, 11h, l'émission qui règle les problèmes des auditeurs d'RTL. La mer donne un nord et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords du lac. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Snapchat. Ah, il est bien, Julien Doré. Il a beaucoup de talent, Julien Doré. Le Lac, premier extrait du nouvel album RTL en direct, toujours du direct, 10h42. Vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission qui règle vos problèmes dans la bonne humeur, mais qui est efficace. Déjà deux cas réglés dès ce matin, un par demi-heure. On est sur le coup de la cuisine. Rappelons maintenant ce que nous a dit Christelle sur le répondeur RTL. J'ai payé plus de 8000 euros une cuisine. Le plan de travail devait être taillé par un menuisier. Il ne l'est pas. La crédence est rayée, la colonne de four trouée. J'en passe et des meilleurs. Le cuisiniste promet, mais ne fait rien. Plus d'un an et demi apparemment, nous avons appelé Mobalpa Lan. Et ce monsieur Tutin était en fait... C'était son fils, c'est du grand Clément, Tutin. Oui, oui, absolument. Le commercial, donc, qui va appeler son père, Jean-Louis Tutin, qui doit m'appeler d'ici quelques minutes. Alors, de notre côté, on va essayer d'appeler, puisqu'on a le numéro maintenant, le siège de la grande marque. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour remuer ciel et terre, mais quand même, au bout d'un an et demi, alors que tout le monde est d'accord. Société Fournier, bonjour. Ah, je voulais le siège de Mobalpa. C'est ça ? Oui, vous y êtes, monsieur. Bonjour madame, je me présente. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, la direction concernant un dossier que l'on traite avec l'agence de Lan sur l'antenne d'RTL ce matin ? Oui, ne quittez pas, je vous passe l'assistante de notre directeur. C'est super sympa. Voilà. Et encore une fois, ce qui est fou dans ce dossier, c'est que tout le monde, j'ai cru comprendre, dit « oui, on a mal pris les mesures, oui, on n'a pas fait ça, oui, on a mal livré, donc pourquoi un an et demi ?» Julien, on n'a pas d'explication pour le moment, on aimerait bien en avoir du grand monsieur Tutin. Allô ? Martine Boschet-Cadet, bonjour. Bonjour Martine, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous déranger, madame, car je traite ce matin dans mon émission de radio un cas de cuisine classique, et on a besoin d'un petit coup de pouce peut-être de la direction du siège, car c'est un monsieur à qui on a posé une cuisine, elle a été mal posée, erreur de mesure, etc. Tout ça a été reconnu par le magasin de Lan, mais ça fait un an et demi qu'aujourd'hui il attend qu'on vienne lui reposer les bonnes pièces et il ne sait plus comment faire. Alors on s'est dit, ben, allons voir Dieu, il nous aidera peut-être. Est-ce que vous pourriez, si je vous donne quelques coordonnées, peut-être en parler à votre direction ? Eh bien écoutez, oui bien sûr, hein, je peux en parler à ma direction. Bon, et on ne peut pas parler au directeur, je suppose qu'il est occupé ce matin. Alors, je vous demande un instant, c'est une cuisine Mobalpa ? C'est une Mobalpa, j'étais un Mobalpa lent. Oui, c'est une Mobalpa, on est d'accord, Franck ? Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est les établissements Tutin, c'est je crois un très gros établissement là-bas. Donc, hein. Trois magasins. Trois magasins de chez vous. Je vous mets en relation avec la direction d'enseigne Mobalpa, un instant. Ah, génial. Ah ben oui, parce qu'on était peut-être dans un groupe où il y a plusieurs enseignes, c'est ça. Oui. Donc nous allons à Mobalpa. Donc on patiente un tout petit peu, si je vois que ça ne répond pas, vous récupérez Hervé, on aura la petite alerte dès que vous avez quelqu'un, et auquel cas on va passer au feuilleton quotidien. Oh, comme j'aime ces musiques comme ça. Ah oh, si, laissez-moi faire. Veillez à noter l'emplacement de votre véhicule. Ne laissez rien à l'intérieur. Monsieur, je dis ne laissez rien à l'intérieur. Tu crois qu'on n'a pas vu la grand-mère dans le coffre ? Une fois, j'étais à Roissy, j'entendais ça, je vous assure, j'étais affolé. Bon. Bon, alors, c'est à vous, Sarah. Nous allons passer maintenant au feuilleton quotidien. Tout ce qui s'est passé hier, tout ce qui s'est passé avant-hier et les autres jours, c'est parti. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Ça s'est passé hier dans le 9h30, 11h. Ah, le déménagement. Nathalie qui loue un camion et c'est la cata. J'ai loué un camion pour mon déménagement et j'ai vécu l'enfer. Il est tombé en panne, on m'a fait attendre sur le bord de la route, proposé de faire 45 km pour récupérer un camion bien trop petit et pas adapté. Depuis, le loueur de ce camion continue de se moquer de moi. Donc, impossible d'avoir l'autre camion puisqu'il était à 45 km et puis de toute façon, elle ne pouvait pas faire rentrer les affaires dedans. Donc, elle a dû en relouer un autre, elle voulait du remboursement. Sarah, vous avez eu Sylt. Oui, effectivement, je les ai eus, Julien, toute l'après-midi hier. Je peux vous dire qu'ils ont été très à l'écoute du dossier de notre auditrice et de leur cliente, surtout et avant tout, puisqu'ils remboursent la totalité des frais. Je dis bien la totalité des frais. Donc, je tenais vraiment à les remercier. Bien, et on va réécouter dans quelques instants cette nouvelle façon de dire « pisque ». Il rembisque, elle dit « pisque, il rembisque ». Eh oui, elle ne met plus les « u » maintenant, Sarah. C'est la nouveauté. « Pisque, il rembourse tout ». Bon, en tout cas, ça s'est bien terminé, c'est ça bien. Ça s'est très très bien terminé. On a dû négocier sur une partie de la somme. Elle est contente. Elle est très contente. Super. Donc encore un cas résolu. Et là, une alerte. Donc je suis obligé de redonner priorité au direct avec vous, Hervé Pouchol. Sur quel cas ? Nous revenons sur le cas de Christelle et de sa cuisine. Nous avons la direction de la marque qui est en ligne. Bonjour, la direction de Mobalpa. Allô ? Allô ? Ah, ça a raccroché. Oh, quel dommage. Eh ben, vous recommencez, mon petit Hervé. On va tenter votre chance. Donc, sur l'histoire de la location de voiture, c'est résolu. Bravo, Six. Bravo d'avoir été aussi rapide. Nouveau cas résolu. Un deuxième cas, Sarah, sur lequel on était sur le coup, c'était celui de Fabien. Réécoutons son message. J'ai quitté un opérateur chez qui j'avais un compte pro sur 12 mois. Voilà qu'il me réclame près de 500 euros me présentant un contrat que j'aurais signé sur 24 mois. Sauf que ce n'est pas ma signature et que je suis le seul habilité en tant que gérant à signer un contrat. Alors, je rappelle que ce dossier était un dossier important, puisque c'est un monsieur qui s'aperçoit qu'il paie trop. On lui dit « Vous avez signé pour ça », il dit « Envoyez-moi le contrat », et il dit « Ce n'est pas ma signature ». Effectivement, non seulement ce n'est pas ma signature, et il m'a fourni, comme il a fourni d'ailleurs l'opérateur, la photocopie de sa carte d'identité, mais il n'y a même pas le cachet de la société. Donc effectivement, aucun indice pour que ce soit vraiment lui qui s'échappe, essaye de se soustraire à ses obligations. Chez Orange, on devait regarder de près le contrat de Fabien et comprendre pourquoi ce n'est pas la signature de Pierre, le gérant de la société qui apparaît. Où en est-on, Sarah ? Nous avons bien avancé, Julien, j'ai des très bonnes nouvelles. Ils se sont mis en relation directement avec la société de recouvrement. Celle-ci m'a appelé dans l'après-midi et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la procédure est arrêtée. Tout va bien à ce niveau-là. Ils ne demandent qu'une chose à notre auditeur et pour cela, il est à l'antenne, je vais avoir besoin de nos chères avocates, un dépôt de plainte, tout simplement, à fournir. Et là, notre auditeur Fabien rencontre un problème. Fabien, m'avez-vous entendu ? Oui, bonjour à tous. Alors, en quoi ça pose un problème, Maître Felonneau ? Il y en a pas. Le problème, c'est que ce n'est pas de l'argent qu'il a payé, puisqu'on lui demandait une indemnité de résiliation anticipée. Il disait je ne me suis jamais engagé pour 24 mois. Il veut être retiré du fichier des mauvais payeurs parce que ça l'empêche de trouver un autre opérateur. Et comme c'est une société, c'est encore pire que pour nous autres. Sarah, ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier avec Orange, le fait qu'il soit retiré du mauvais fichier ? Oui, tout à fait. On est en train de négocier, mais ça fait partie de la procédure qu'ils sont en train de régler. Mais c'est Fabien qui a une question à vous poser. Allez-y Fabien, posez vite votre question. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai essayé de porter plainte, je suis allé à la police, qui m'a envoyé au tribunal, qui m'a envoyé au tribunal de commerce, qui m'a renvoyé au tribunal, et pour l'instant j'arrive pas à porter plainte. Non, personne ne veut prendre ma plainte. Non, je ne plaisante pas. Alors dans ce cas, ce qu'il faut, il faut envoyer la plainte directement au procureur. Si le commissariat ou la gendarmerie ne veut pas prendre la plainte, on peut écrire directement en spécifiant au procureur que la plainte a été refusée, non ? On peut, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'en réalité, quand on dépose plainte, elle est transmise au procureur. Mais on peut parfaitement écrire directement, déposer plainte entre les Et vous envoyez cette copie de courrier à Orange. Exactement. Donc vous l'envoyez au procureur de votre ville. En recommandé. Avec une réception, évidemment. On fait comme ça et on continue cet après-midi. On explique ça à Orange. Je compte sur vous, Sarah. Il faut le déficher et vous serez déficher. Fichier, croyez-moi. À tout de suite, parce que je crois que ça bouge de tous les côtés. C'est le Money Time. C'est les 10 dernières minutes. C'est maintenant que tout se joue sur beaucoup de dossiers. Tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. À tout de suite sur RTL. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Vous avez fait quelque chose à vos cheveux, vous êtes beau aujourd'hui. Oh, merci Michel, c'est pour l'opération beauté, ça commence aujourd'hui chez Carrefour Market avec plein de promos. Des promos de toute beauté. Oui, c'est l'occasion d'en profiter. Jusqu'au 18 septembre, pour deux flacons de shampoing Elsev achetés, le troisième est gratuit. Oh bah décidément, vous êtes beau, intelligent, attentionné et frisé. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Flacons de 250 ml, panachage possible, disponible dans les drives Carrefour Market. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Allô ? Dis donc, mais c'est quoi cette voix ? Ah, j'ai la crève depuis hier. Du coup, je reviens de la pharmacie. C'est des médicaments Mylan qu'on m'a donné. Mylan. Même avec une voix pareille, ça se prononce Mylan. Ah oui, c'est ça. Je connais bien, ça fait un moment que j'en ai chez moi. Et t'as surtout réponse à tout. Et si en plus je te dis que Mylan est présent dans 90% des hôpitaux en France ? Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Élément démographique 2015 de l'Ordre national des pharmaciens. Panorama au 1er janvier 2015 et données internes. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, faisons un petit peu le point sur différentes choses. Déjà, on revient sur la cuisine, la fameuse cuisine Mobile Pack qui a été installée. Les mesures n'étaient pas bonnes, plein de choses. N'allez pas, au bout d'un an et demi, il ne se passe toujours rien. Nous appelons l'entreprise locale. Celle-ci, pour l'instant, nous dit ça va bouger, mais ça n'a pas bougé. Nous avons appelé le siège national et ça a raccroché. Amen. C'est bien le cœur, mais... Alors, tout d'abord, j'avais l'air surpris de ma façon d'annoncer le sujet. Vous m'avez regardé de manière dubitative. Oui, parce que j'attends toujours l'appel de Jean-Louis Tutin. Son fils m'a promis qu'il le prévenait. Jean-Louis Tutin, qui est le président des sièges Tutin, oui. Donc Mobalpa Laon. Et là, nous avons eu, vous avez eu tout à l'heure, l'assistante de direction du grand groupe oui. Mobalpa, qui a eu la gentillesse de nous passer la direction de la marque Mobalpa, qui nous a gentiment raccroché au nez. Donc, j'essaie c'est de peut-être une erreur. Rappeler. Attention, ça m'étonnerait qu'elle ait raccroché. C'est vrai, donc, on re-rappelle, s'il vous plaît, le grand patron de Mobalpa. Il est 10h52. Si nous arrivons à l'avoir, on rappelle l'assistante. Sinon, demain matin, après-demain d'ailleurs, en direct, nous allons tenter d'avancer là-dessus sur Mobalpa. Alors, on continue pendant ce temps-là de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce mouvement de solidarité. C'était la grosse histoire de l'année dernière. Myriam qui se fait avoir par d'ailleurs l'ami d'une copine qui lui dit « Je vais te refaire ta maison ». Elle lui donne 18 000 euros. Il n'y a rien et elle vit dans un taudis, les photos nous avaient vraiment touchés. On avait dit, on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, si vous avez des cas comme ça de solidarité, de temps en temps, on en fera. C'est un peu comme quand on faisait tous ensemble, vous savez, à la télé, Sarah a organisé tout ça. Et ils sont venus de toute la France. Ils ont refait la maison. Mais c'était juste génial. Alors, on est sur le point là, de livrer la maison à Myriam, mais il y a juste un truc qui bloque. Juste un petit détail, la maison va être livrée, si tout va bien, fin octobre. Mais nous avons besoin d'un plaquiste, s'il vous plaît, chers auditeurs, si vous entendez cet appel, juste un plaquiste qui pourra se déplacer à Saint-Étienne, puisque le chantier est effectivement à Saint-Étienne, et ça sera vraiment notre sauveur, notre dernier sauveur de cette belle histoire, et la maison pourra être livrée dans les délais annoncés, Julien. Et extraordinaires artisans, encore une fois, qui sont venus, qui se sont battus, vraiment, on est fiers de vous, et Myriam va pouvoir, le petit aussi, avoir une année un petit peu plus paisible. Alors, on revient sur la syntaxe selon Sarah, un livre qui va sortir très prochainement. Voici maintenant comment on peut dire puisque, parce qu'il y a deux façons de le dire en fait. On peut dire puisque, mais on peut dire aussi surtout et avant tout, puisqu'il rembourse la puisqui. On peut dire puisqu'il rembourse au lieu de puisqui. Allez, on va faire le point info si vous le voulez bien. Il s'est passé énormément de choses sur RTL ce matin. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. À 9h30, tout a commencé avec le rêve de Frédéric, investir un peu dans une piscine avec en plus une petite balnéo puisque sa femme a des problèmes de jambes. J'ai fait construire une piscine avec une option balnéo. Mon épouse infirmière ayant des problèmes de jambes lourdes. La pompe est tombée en panne, enlevée et réparée en 2015. Elle est à nouveau HS depuis fin mai 2016. On est en septembre et je n'ai plus de nouvelles. Hervé Pouchol, que s'est-il passé dans ce dossier ? Eh bien écoutez, nous avons réussi à joindre le commercial. Le commercial a réussi à joindre le gérant qui lui a dit que notre auditeur recevrait sa pompe. Ils vont l'installer le plus rapidement possible. Il n'aura pas à débourser un centime. Le conseil de Blanche de Grandvilliers. Eh bien, Julien, dans... Vous êtes surprise. Oui, hein, oui. Vous êtes bien eu. J'essaie encore de surprendre les femmes. Certains me disent oui, avec les femmes, c'est un peu la routine. Non, je sais encore les surprendre. Alors, Julien, j'ai quand même un conseil à donner. Sachez que quand vous envoyez du matériel en réparation, eh bien, la garantie commerciale, tant pendant que le matériel est immobilisé, est prolongée. C'est-à-dire, si vous gardez un mois, deux mois, eh bien, la garantie commerciale sera prolongée d'autant. Et il y avait le cas express, il l'a appelé à 9h30, il est passé quelques minutes après, l'histoire des photos. On rappelle qu'un monsieur fait venir un photographe pour le mariage de son fils, et normalement, le photographe prend les photos dans l'après-midi, et le soir, doit exposer ses photos, et comme ça, les invités disent « je prends celle-ci, je prends celle-ci ». Or, elles n'ont pas été exposées. Du coup, il a demandé une ristourne, ils n'arrivaient pas à se parler. Finalement, Bernard, bonne négociation. Oui, puisque le studio Ossini a décidé de descendre son tarif. Au lieu de 690, ça sera facturé 500 euros. Et il va offrir deux posters pour la famille et la belle-famille deux des mariés. Deux posters, rappelons-le, de Jackie Chan. Non, des posters des mariés. Des mariés. Il envoie deux posters. Un de Jackie Chan, un de Chuck Norris avec un nunchaku. Ah, une alerte. Pour qui ? C'est pour vous, Hervé, l'alerte ? Oui, c'est pour moi. Alors, nous allons revenir sur le cas de Christelle. La cuisine. Christelle et sa cuisine. Je n'ai pas Monsieur Toutain père, mais j'ai le Toutain fils qui vient de nous rappeler. Et il a quelque chose d'important à vous dire. Ici, je l'écoute. Monsieur Toutain, je vous écoute en direct sur l'antenne d'RTL. Alors, Monsieur Toutain m'a dit qu'il allait organiser un rendez-vous sous 10 jours chez Madame Coulati. Il allait prendre contact avec elle dans la journée pour lui fixer donc un rendez-vous à domicile pour pouvoir, avec l'installateur, Refaire la prise de mesure et refaire le point avec la cliente. Super. Bon, super. Ah ben voilà. Est-ce qu'il... D'accord. Pour résoudre ce problème. Bah oui, parce que comme ça fait un an et demi, c'est... Voilà, il a été sympa. Franck, vous avez entendu ? Vous avez entendu, Franck ? Ah, il est plus là. Bon, voilà. Il vient, ils prennent rendez-vous et on refait, ils refont tout, ils reviennent prendre les mesures dans les jours qui viennent. Sarah suit ça de près. D'accord ? D'accord, oui. J'ai entendu. Allez, merci à M. Toutet, on compte sur vous. Aujourd'hui pour fixer un rendez-vous. Ça marche. On se parle dans un mois, pile, pour voir où en sont les travaux. Tous les cas ont été... Merci à vous deux, merci beaucoup. Et les enfants, moi j'applaudis mon équipe, j'ai la meilleure. Tous les cas ont été résolus ce matin, il y en avait trois. Et les trois, normalement, seront résolus. Alors tout de suite, vous appelez au 3210, il y a un répondeur, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, vous allez sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et vous nous exposez votre problème et dans la bonne humeur, nous essayons de le régler. N'oubliez pas, la seule émission qui fait ça en France, c'est le 9h30, 11h, et c'est bien sûr sur RTL. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe ? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais ? Votre Baron de l'Estac. Rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le mois Carrefour ! Aujourd'hui, le mois Carrefour commence avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% d'économie sur la carte Carrefour, sur les capsules Ariel et encore plein d'autres produits de marque. Jusqu'à 70%, attention à la descente ! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'au 12 septembre, profitez de 70% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque. Valable sur les capsules Ariel Pods 3 en 1 par 30. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Câlin, massage, caresse, effleurement, main sur l'épaule. Le toucher est essentiel à notre bien-être, mais nous ne sommes pas tous tactiles. Ce que notre rapport au toucher dit de nous, c'est cet après-midi dès 15h dans En effet pour s'entendre sur RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Monsieur Bern, comment allez-vous ? Oh, en pleine forme, mon cher Julien. Je reçois une humoriste belge très célèbre qui est Virginie Hoc. Ce matin, on a la bonne heure, bien sûr. Et puis nous aurons dans l'émission plein de surprises et notamment nous allons savoir ce qui est arrivé à Lucie, notre ancêtre, parce que vous savez qu'elle est tombée de l'arbre. Oui. Et oui, moi j'en suis tombé aussi de ma chaise. J'avais essayé de régler le problème à l'époque parce que c'était un problème d'échelle qui avait été mal fixé, mais j'avais pas réussi à voir le vendeur. Eh bien nous aurons le spécialiste de Lucie qui va nous expliquer ce qui lui est arrivé. Je m'en suis pas remis encore. Vous parlez de Pascal Obispo. D'accord. Merci Stéphane. Bravo Julien, bonne journée. Blanche Grandvilliers, Maître Fellonneau, toutes les équipes d'Alain Hazard, les négociateurs, Xavier Kassovitch vous donne rendez-vous demain à 9h30. Il est 11h. L'information avant Stéphane Bern, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour. Bonjour à tous. Un centre d'hébergement qui devait accueillir en octobre 90 migrants a été incendié cette nuit à Forges-les-Bains dans l'Essonne. Hier soir, il y avait une réunion en mairie pour travailler sur le projet et une centaine de personnes avaient organisé une manifestation devant la mairie pour dire leur opposition à l'ouverture du centre d'hébergement. Manifestation qui s'est terminée vers 23h. C'est ensuite vers 2h30 du matin que le bâtiment a été signalé en feu. La toiture est détruite. À Paris, un campement de migrants est en cours d'évacuation. Plusieurs centaines de personnes vivaient dans des tentes installées sur le terre-plein de l'avenue de Flandre dans le 19e arrondissement. Une scène comme sortie d'un film d'horreur. Un homme de 25 ans a été interpellé hier soir à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Il avait la tête de sa mère décapitée entre les mains, une femme de 55 ans. La police est intervenue dans l'appartement familial vers 21h30, alertée par les voisins qui avaient entendu du bruit. Plusieurs décharges de pistolets à impulsion électrique ont été nécessaires pour maîtriser l'individu apparemment en pleine crise de démence. Il n'y aura aucun licenciement sec chez SFR d'ici à 2019. Le groupe de médias et télécommunications se veut rassurant ce matin et répète les engagements pris au début du mois d'août. Mais les syndicats CGT et CFE-CGC appellent aujourd'hui à une journée nationale d'action unitaire et de grève chez SFR parce qu'ils s'inquiètent de la grande mutation engagée par l'entreprise. Il y a une manifestation ce matin. La transformation est indispensable, dit le PDG de SFR, Michel Combes. Un accord signé avec deux autres syndicats prévoit un plan de 5000 départs volontaires. Le gouvernement promet une baisse d'impôts pour les ménages. Elle sera précisée jeudi. Il faut redonner du pouvoir d'achat, a dit ce matin le Premier ministre Manuel Valls, invité d'RTL. Nous vous posons la question aujourd'hui. Croyez-vous à la baisse des impôts pour les classes moyennes? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en discuter dans RTL Midi tout à l'heure avec Christelle Robière et Vincent Parizeau en appelant le 3210. Une attaque de requins mortels en Nouvelle-Calédonie. Un kitesurfer australien de 50 ans est décédé après avoir été mordu à la cuisse. Ça s'est passé dans le secteur du grand récif de Kumak. C'est à l'extrême nord de l'île française de la Nouvelle-Calédonie. La victime était en mer en compagnie de plusieurs personnes qui naviguaient en catamaran. Un navire de sauvetage est arrivé sur place, mais trop tard. Le quinquagénaire n'avait pas survécu à ses blessures. La précédente attaque mortelle de requins en Nouvelle-Calédonie remontait au mois d'avril. La météo du jour sur la France, belle amélioration cet après-midi sur les trois quarts du pays. Il fait encore très beau sur le sud dès ce matin. La grisaille fera un peu de résistance quand même sur le quart nord-ouest. Les températures, elles remontent. On attend par exemple 23 degrés au Havre, 25 à Nancy, à Reims comme à Paris, 27 à Alençon, à Grenoble, à La Rochelle, 30 degrés à Nantes comme à Ajaccio, 31 à Limoges et Marseille, 32 à Angers et Nîmes et jusqu'à 34 à Perpignan. Il y a moins de vent aujourd'hui dans le sud. Les incendies sont fixés dans les départements de l'Aude et des Bouches-du-Rhône près de Marseille, mais des centaines de pompiers sont toujours sur place. Les courses à Nancy cet après-midi, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 12, le 5, le 2, le 7, le 6, l'As, le 16 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 6. Imprimeur. Il est 11h03, vous êtes sur RTL. À la bonne heure, voici Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, et nous retrouvons à midi Marie Guerrier pour d'autres informations. Et d'abord, nous plongeons dans À la bonne heure avec Bonheur. 12h30, Stéphane Bern, À la bonne heure. Et nous voilà dans À la bonne heure, en direct et en public sur RTL. Alors, pour vous dire la vérité, nous attendons d'une minute à l'autre notre invité. Alors, on pourrait faire un point sur la SNCF trains. Et les trains, parce qu'elle est coincée pour le moment dans le Thalys. Elle est à quelques minutes, alors. Je crois. Ah. C'est pas SNCF, le Thalys ici. Bah, si, en partie. Oui, parce qu'il y a quelques mesures préventives dans le Thalys. Oui. Il fouille les gens avant, pendant, on ne sait jamais. Oui, mais le train arrive. Elle est en route, elle sera là dans 2-3 minutes. 2-3 heures, elle vient de corriger l'instant. Non. Je vous propose. La voilà, elle est là, regardez. Elle est déjà là, regardez. Alors, c'est Virginie Hogg qui arrive. Elle avait dit 11h05, il est 11h04. Bravo. Quel talent. C'est le Thalys. Oui, non, mais j'habite la proche banlieue parisienne, c'est-à-dire Bruxelles, du coup, forcément. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée. Non, vous arrivez juste à l'heure. Je suis si chaud. Bonsoir. Bon.